meilleur par là. Ça signifie que les anarchistes pensent à un monde qui serait sans frontières. Abolition de tous les criminels.